Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le sucre pour le meilleur et pour le pire. Une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a le plaisir coupable d'une tarte au citron, un produit transformé qui est partout et fait des dégâts. Les médecins en dénoncent l'abus, il est addictif et les lobbies lui déroulent le tapis rouge. Mais comment faire autrement ? Alors pour commencer, les personnages. Une dentiste qui se donne du mal, un bénévole qui veut nourrir, des gens qui veulent se faire plaisir, une nutritionniste qui aime le sucre, un cultivateur curieux et des bénévoles sur le terrain. Ensuite, le décor. Des caries, des biberons, des dents de lait, la pauvreté, Nancy, des catalogues, le discount, des bus, le RSA, des légumes, une ferme urbaine, des histoires et une salade de concombres. Aujourd'hui, 4e épisode, on a mal aux dents. Elle a répondu, Lydia ? À qui ? C'est rien. Elle t'a répondu à toi, alors ? Moi, je vais pas envoyer le message. Huguette Boissonnat. Bonjour mademoiselle. Alors, bonjour. Je t'amène un petit papier et tu verras que l'histoire de la culpabilisation autour du sucre, elle n'est pas toute nouvelle. Mm-hmm. C'est Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, puis la femme de Louis XIV. Et effectivement, si tu regardes bien, Louis XIV est bien né avec deux petites dents et il a bien souffert d'abcès dentaires à répétition à partir de l'âge de, si je me souviens bien, ça doit être 38 ans. Et il avait des douleurs dedans assez opiniâtres par une fonte et fluxion du cerveau sur ses parties. Oula. Et effectivement, à la cour de Louis XIV, on mangeait beaucoup, beaucoup de sucre. On avait beaucoup de douleurs. D'ailleurs, le dentiste de Louis XIV disait que cet homme avait des sucreries qui lui faisaient mal aux dents. On voit que c'est une vieille histoire, Huguette. Hein. Le sucre pour le meilleur et pour le pire. Des alternatives pour manger demain. Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. Mes études m'ont conduite à être chirurgien dentiste et évidemment toute cette partie de rapport entre le sucre et le chocolat dans l'histoire m'intéressait particulièrement parce que autour de la pauvreté, on accuse souvent les plus pauvres d'avoir un abus de sucrerie qui fait qu'ils ont effectivement les dents qui se carient plus vite que les autres. Alors on peut aussi prendre les personnes très âgées qui sont polycariées en général, avec l'âge, avec l'alimentation, avec l'approche, c'est pas toujours qu'une question de nutriments, même si les nutriments sont importants. On a eu toute une période où les enfants, on leur donnait des biberons pour qu'ils dorment et qu'ils se taisent, puisque les femmes n'allaitaient plus jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, on faisait quand même téter les enfants. Et puis comme ils pleuraient un peu, puis que c'était fatigant, on mettait un peu de sucre et ça endormait les bébés, parce que ça leur donnait un sentiment de satiété, parce que le sucre donne ce sentiment de satiété. Et on s'est retrouvés avec des enfants qui avaient 4 ans et qui étaient polycariés. On appelait ça le syndrome du biberon. On le voit pas toujours autant, mais on le voit encore. Et c'est vrai que ces enfants qui arrivent ont des petites dents toutes noires. On le voit beaucoup aussi chez des enfants qui sont mal nourris. Ça, c'est le dernier papier qu'on a fait avec Magali Ramel, qui est donc ma co-auteure, qui permet d'avoir les perspectives de l'expérimentation en Terre de Lorraine. Et les objectifs spécifiques, donc améliorer l'offre alimentaire et les conditions d'accès à l'alimentation des personnes, à la fois dans la réponse à l'urgence alimentaire, mais aussi dans les formes durables d'accès à l'alimentation. Protéger la santé des personnes en précarité en lien avec le contrat local de santé, ça c'était important, parce que l'alimentation et la santé sont complètement liées. L'accès de tous à une alimentation saine, de qualité, en quantité suffisante. Mais aussi réduire le stress et l'anxiété liés à l'accès à l'alimentation, ça c'est pour être bien dans sa tête. Et puis aussi le volet prévention. Nous, on voudrait essayer de travailler avec les personnes pour trouver des messages qui ne soient pas stigmatisants, qui ne soient pas culpabilisants et au contraire, qui soient participatifs. Voilà. Et puis ensuite, le volet 3, ça va être avoir un accès de tous à l'agriculture et aux productions locales. Pour le moment, c'est quand même plutôt réservé aux gens qui ont de l'argent. En développant alors des offres qui répondent aux attentes et aux besoins, mais pas que des consommateurs, mais aussi des agriculteurs. Après, il y a toute la partie, le volet 4, qui va être de la gouvernance alimentaire, c'est-à-dire comment on va améliorer la capacité d'agir des personnes. Je m'appelle Frédéric Trottmann, je suis bénévole au Secours catholique des Hauts-de-Lorraine, c'est le territoire des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, et en tant que tel, je participe à ce projet sur la question de l'alimentation et la nourriture des pauvres. Il y a pas mal de gens qui sont vraiment invisibles, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, qui sont inaudibles. Et parmi ces gens, il y en a qui sont encore plus inaudibles que d'autres et encore plus invisibles que d'autres et qui ont des problèmes pour vivre au jour le jour et pour manger au jour le jour. Et ces personnes-là, leur rapport à l'alimentation, on l'aborde souvent de façon très diététique, très biologique, très hygiéniste, avec toute une série de stéréotypes sous-jacents qui laissent entendre que les pauvres ne savent pas acheter, ne savent pas gérer un budget, ne savent pas manger. Ce qu'on voudrait montrer, ce qu'on voudrait faire entendre, c'est ce que vivent ces personnes en réalité. Comment elles se débrouillent avec leurs difficultés économiques pour arriver à manger de façon conviviale, de façon heureuse. Comment elles font face aux regards parfois stigmatisants des citoyens, de la société. Comment elles vivent cette frugalité imposée dans un environnement de surconsommation un peu orgiaque. Et comment, malgré ça, elles arrivent à garder la dimension de convivialité et d'identité partagée autour de la nourriture. On veut le faire entendre pour que le public, les élus, les acteurs sociaux, les citoyens, puissent évoluer dans leur représentation et dans leur mode d'action par rapport à ça. Huguette Boissonnat, ATD Carmonde. Là, on a des réseaux qui se mettent en place, on est très liés les uns avec les autres sur des projets interrégions, par exemple, qui sont dans le Nord, à Charleroi. Il y a des projets vers Calais, il y a des projets au Canada, il y a VRAC. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Il faut qu'on soit vraiment très proches les uns des autres pour arriver à pousser un nouveau modèle. Et il y a ces initiatives d'ATD Carmonde aussi à l'international ? Alors, à l'international, on a des initiatives qui ne sont pas forcément liées avec un plan alimentaire territorial, parce qu'ici, bien sûr, on travaille dans du cousu main. Là-bas, on est plutôt sur des initiatives d'accès aux éléments fondamentaux pour que les enfants ne meurent pas. Par exemple, il y a un travail à Haïti sur de l'alimentation, de l'eau, pour que les enfants puissent être non seulement hydratés, mais qu'ils aient une base de nutriments pour ne pas décéder. Il y a un travail qui se fait sur l'amélioration de l'argile. Malheureusement, là-bas, on se nourrit d'argile quand on n'a rien d'autre. Et on n'en est pas à manger 8 légumes. Hein. On en est bien, bien loin, bien, bien loin. Et ATD Carmonde est présent dans combien de pays environ ? On est présent dans 32 pays. Voilà, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Alors là, on est dans le grand bâtiment du Haut du Lièvre. Alors le Haut du Lièvre, c'est un plateau au-dessus de Nancy qui a été aménagé avec des superbes immeubles qui, à l'époque, étaient des immeubles très modernes, enfin très le haut de gamme. Et puis petit à petit, comme il y avait beaucoup de population, finalement, ça a été délaissé par les uns. Vous pouvez entrer. Et ça a été petit à petit repeuplé par des personnes qui n'étaient plus les cibles premières. Et puis maintenant, ce sont des très grands immeubles qui sont réhabilités avec toute une dynamique de la ville autour de ces appartements. Là, on va boire un café chez Micheline avec Viviane. Salut Dodo. On est venu voir le café. Asseyez-vous, allez-y. Attends. Bon, j'en ai dit, j'ai pris le café. Bon, j'ai ramené les pubs de la semaine. Déjà. Vous voyez, on a le Aldi, on a le Lidl, et nous, en principe, on regarde les deux là. Et on regarde quand même Auchan, et après, on compare Cora et Leclerc. Et cela, c'est... Les pizzas, tout ça, c'est sûr que ça, on jette. Hein. Parce que ça, au kilo, ça vaut la peau des fesses. Ah, mais ça fait plaisir. Écoute, on se fait des fois. Il y a des moments, on aime bien se faire plaisir. Donc après, on regarde, on compare les prix, et puis on voit... Parce que au Auchan, on a le discount. Parce qu'avec le 2, nous, on peut aller au Lidl. Avec le 13, on peut aller au Aldi. C'est le bus. Le bus. C'est la ville de Nancy qui octroie des passe-bus. Parce que vous, Viviane, vous êtes à la retraite. Moi, je suis à la retraite maintenant. Mais avant, j'étais RSA. À RSA, j'avais 480 euros. Et là, je suis à 820. Mais bon, les loyers restent pareils et tout reste pareil. Enfin, non, parce que ça n'a pas été pareil. Parce que comme j'ai retouché une certaine somme, la CAF m'a déduit sur la location logement. Donc, j'avais plus de loyers à donner. Bon, j'ai fait ma demande de retraite. J'ai eu 65 ans au 1er mai. De cette année ? De l'année dernière. Et donc là, vous touchez une retraite. Vous avez travaillé dans quelle branche, Viviane ? Alors, moi, j'ai fait que des métiers d'homme, on va dire. J'ai travaillé dans la sécurité, j'ai fait maître chien, j'ai fait de la sécurité simple, j'ai travaillé comme physionomiste en boîte, en discothèque. J'ai fait du transport de fonds, j'ai été sapeur-pompier 15 ans. Ah oui, mais t'as bien travaillé quand même, oui. Une bonne partie de ta vie jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Et puis bon, quand la rupture arrive, c'est là que y a une descente jusqu'au moment où on arrive à remonter, à se remettre debout. Alors on se remet bien debout et puis arrive la retraite. Et là, à l'âge de 65 ans, vous déposez votre dossier de retraite quelques mois avant, ou presque 6 mois, 8 mois avant. Et puis, ils instruisent le dossier. Et au moment où le dossier est signé, validé à la CARSAT, à votre caisse de retraite, ils informent la CAF et la CAF coupe les revenus. Seulement, le dossier est complet, mais pour autant, on ne sait pas quelle caisse va vous payer parce que vous avez travaillé dans plein d'endroits. Et finalement, il a fallu plus d'un an pour qu'elle arrive à toucher sa retraite. Et donc, jour anniversaire, RSA coupé. Plus un centime. Donc, après, le dossier, ça suit son cours. Et il arrive un moment donné où, j'ai pu retoucher mon RSA grâce à Huguette, puis grâce à la sœur au département. Alors, une chose qui est incompréhensible, c'est que le département m'a octroyé l'épicerie sociale puisque j'avais zéro. Et quand j'ai été à l'épicerie sociale, on m'a dit, si vous ne donnez pas les 11 euros, vous n'y avez pas le droit. 11 euros tous les combien ? Par mois. Par mois, d'accord. Donc il faut s'abonner à l'épicerie sociale ? Non, c'est juste des cas exceptionnels, l'épicerie sociale. C'est-à-dire si vous avez des dettes de loyer, des dettes ailleurs, vous faites un dossier et on vous octroie ou on ne vous octroie pas l'épicerie sociale. Alors une personne seule, c'est vous donnez 11 euros par mois et vous avez la valeur de 110 euros de course à peu près. Mais je l'ai regardé, mais je lui ai dit, mais attendez, j'ai zéro. Comment voulez-vous que je vous donne 11 euros ? Elle me dit, vous vous débrouillez, vous empruntez. Enfin, donc après, mon dossier, il a fallu refaire, renvoyer des photocopies. Est-ce que vous avez des enfants, Viviane ? Moi, j'ai deux enfants, oui. Mais bon, ils ont plus de 40 ans et plus de 30 ans. Mais bon, heureusement que je les avais aussi, parce qu'ils m'ont bien aidé pendant une bonne période. Pendant pratiquement toute la période où j'étais sans revenu, quoi. C'est presque 2 ans. C'est ma fille qui m'a avancé les 11 euros. Alors, une fois, c'était ma fille qui avançait les 11 euros. Une fois, c'était mon fils. Une fois, c'était une qui payait le loyer. Après, c'était mon fils. Enfin, ils sont partagés. Les EDF, c'est pareil. Un coup, c'était un coup, c'était l'autre. Et puis, voilà, quoi. J'ai pu m'en sortir comme ça. Et puis, surtout, pas me mettre dans les dettes. C'est qu'une fois qu'on commence à être endetté, c'est la descente aux enfers. Là. Après, pour remonter, c'est trop dur. Tous ces cofidis, tout ça, c'est... Et ils ne surveillent rien, en fait. Vous faites un dossier, ils vérifient même pas le dossier. Vous avez combien de personnes qui font des déclarations fausses de fiches de paye, justement pour avoir ce crédit à la consommation. Et moi, je ne voulais pas... retomber dans un engrenage comme j'ai été tombée quand je me suis séparée d'avec mon mari. J'ai été 3 mois sans revenu. Je vous assure que je voulais plus repasser par là. Parce que le peu de nourriture que j'avais, c'était pour mes gamins. J'ai été volé dans les champs, j'ai été volé des salades, des poireaux, des choux, j'ai été volé du bois pour pouvoir se chauffer. Mais voilà, on en arrive là, quoi. On arrive à devenir voleur, parce qu'on n'a plus rien. Ils avaient quel âge, vos enfants, à ce moment-là? Moi, j'avais Virginie, qui avait 18 ans, mais qui allait encore à l'école. Et j'avais mon gamin, qui avait 10 ans. Faut bien leur mettre à manger dans l'assiette. Donc, ce qu'on dit, ben, on se prépare un café. Oh non, j'ai pas faim, je bois mon café, c'est bon. Puis vous attendez que les gosses aient terminé de manger, puis ce qui reste dans l'assiette, ben, vous le mangez. Si on reste. Micheline, moi, j'en ai 5. Plus j'ai élevé seul, en plus. 5 enfants, toutes seules? Et vous avez réussi à travailler avec 5 enfants? J'ai toujours travaillé, moi. Ben, le plus grand s'occupait des plus petits. Et c'était pareil, il fallait... Moi, je voulais pas que les gamins aient l'image de quelqu'un qui restait à la maison. Je me disais, si je leur demande de travailler, il faut que je le fasse moi-même. Donc j'allais travailler et j'avais une entière confiance en eux. Donc je savais que ça allait tourner. Donc j'ai toujours travaillé. J'ai commencé opératrice de saisie. Je me suis arrêtée 11 ans pour les 3 filles. Congé parental, j'ai divorcé entre-temps. Enfin, c'était pas mal non plus. Après, j'ai été poseur de sol. Le truc, c'est que dès qu'ils proposent quelque chose, on le prend. Moi, je suis rentré en CES, à ce moment-là, c'était 4 heures, dans un foyer d'insertion de Nancy. J'étais agent d'accueil. Le patron m'a dit, je vous reprends pour 5 ans, mais il n'y a que des postes en atelier, ben on y va. Donc j'ai été poseur de sol, j'ai eu un accident de travail, je me suis cassé le genou. Donc quand le contrat est arrivé, il me l'a pas signé. Je ne servais plus à rien. Après, j'ai été faire des ménages. De là, j'ai été travailler à la mairie. À la mairie, j'ai encore eu un accident de travail. On est tellement usé par les années que je me suis bien amoché l'épaule. Pareil, contrat par signé puisque je ne servais plus à rien. J'ai eu 3 ans de chômage et après, alors là, ça a été la descente aux enfers. RSA. Mais les gamins étaient grands, donc c'était pas... Ah non, ils étaient encore petites. Pas petite. Moyenne. Quand je faisais les courses, quand j'avais les gamins, j'y allais une fois par mois, sans eux. Sans eux. Ah des oui, fois qu'ils me demandent un paquet de bonbons ou un jouet, ou un... j'y allais sans eux. Donc c'était farine, sucre, huile, lait, vraiment les bases. Et après, on. Parce que quand on est pauvre, on sait cuisiner. Enfin, on a intérêt à savoir cuisiner parce que. Mais avec la farine, du sucre. Des œufs et du lait, on fait des crêpes, on fait des gâteaux. On fait, moi, je faisais mon pain. Vu les garçons, ce qu'ils mangeaient, j'avais intérêt. Je faisais tout, je faisais mon fromage, Mais moi, j'aime bien. Vous parliez des bonbons, Micheline. Ah, bah maintenant, ils y vont. Ah oui, ils se rattrapent. Oui, mais... c'est pas trop. Non, bah non, il y a la ligne. Ils sont pas comme leur mère. Ils se rattrapent. Et c'est fou, parce que... C'est sur les chaussures et les vêtements de marque. C'est une revanche. Mais moi, j'ai eu de la chance, ils n'ont jamais été exigeants. Jamais. Un jour, mon deuxième est venu en me disant « je voudrais une paire de baskets ». Je lui ai dit « écoute, viens ». J'ai pris, je lui ai dit « voilà ce que je gagne et voilà ce que je paye ». Il m'a regardé, il m'a dit « ça peut encore attendre ». C'est ça aussi, c'est pour leur montrer que... C'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas. Et c'est une façon aussi d'être obligé de gérer la frustration pour soi-même et pour les autres. C'est surtout l'obligation de se justifier. C'est pas bon non plus. Hein. Ça fait mal à la tête. Mal dans la tête. Ça fait surtout mal aux tripes. Dans la tête. Ouais. Mal aux tripes. Huguette Boissonnat, vous avez publié donc cette étude en 2014 qui s'appelle « Se nourrir quand on est pauvre ». Et c'est vraiment une étude anthropologique assez profonde qui montre de manière très précise comment effectivement la manière dont on se nourrit, ce n'est pas qu'une question d'alimentation, de nutrition. L'ensemble de la vie est corrélé à ce qui se passe dans l'assiette. Après avoir écrit ce livre, on s'est dit On va relever la tête et on va essayer les propositions qu'on a faites. Et donc, on s'est réunis pendant un an. On a fait ce qu'on appelle comment se nourrir dignement et durablement avec 57 euros par mois. C'est à peu près 57 par mois pour se nourrir. Très souvent, quand on aborde cette question, on parle d'accès à l'alimentation. Si on laissait faire, on parlerait d'accès aux nutriments. C'est-à-dire, vous devez manger plutôt une graisse comme ça, plutôt un sucre comme ça, plutôt pas trop de ça, plutôt pas trop de ça, plutôt... Voilà, c'est l'accès à l'alimentation presque aux nutriments. Et puis donc, les pauvres, ils n'ont qu'à prendre des nutriments qu'on leur donne et puis se taire. Mais non, c'est pas de l'accès à l'alimentation, c'est se nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire, se nourrir et nourrir les siens? Il y a des maladies liées à la misère. Quand vous êtes mal nourri, vous êtes déminéralisé. De même, énormément de personnes sont anémiées. On n'en parle pas. On préfère parler de leur obésité. Parce que les corps, vous savez, les corps, c'est facile de parler des corps. Parce que ça met de côté une partie de la population en disant « ceux-là, ils ne sont pas bons ». Et on a une société qui a tendance aujourd'hui à dire « vous voyez, ceux-là, ils sont pauvres et en plus, ils sont gros, donc ils mangent mal ». Et là, vous vous mettez à part et vous dites « donc nous, on n'est pas gros et on mange bien et on n'est pas pauvre, on se protège, vous voyez ». Alors que les corps sont différents. Mais quand vous avez eu pendant des années une privation ou quand vous avez mangé pendant des années des éléments qui donnent une saturation immédiate au corps en lui donnant l'impression qu'il ne va plus jamais avoir faim, eh bien vous prenez ça plutôt que de prendre des haricots. Vous avez une personne qui n'a pas mangé depuis 2 jours, vous allez lui servir une assiette de haricots? Vous feriez ça, vous? Non? Vous allez lui donner un gâteau, vous allez lui donner quelque chose qui va immédiatement compenser, lui donner du plaisir et compenser le manque. Je ne peux pas dire que le sucre est un bon aliment, au contraire. Pour moi, c'est un aliment néfaste. Bien sûr, c'est un aliment plaisir. Milena Montero Sepulveda, nutritionniste. Moi, je suis très gourmande, j'adore faire des gâteaux, des cookies, de la pâtisserie. Mais la question, c'est qu'on peut faire ça avec moins de sucre. Les recettes traditionnelles, je trouve un scandale. Quand je regarde une recette de gâteau qu'on doit mettre 150 grammes de sucre, 200 grammes de beurre, je ne comprends pas ça. Moi, j'ai fait un gâteau, j'ai fait 40 grammes de sucre de coco dans un gâteau, et pour moi, c'est déjà assez sucré. C'est un sucre qui il a un indice glycémique, ça veut dire le pouvoir d'augmenter notre glucose, notre sucre de sang, à moitié de sucre normal. Ça veut dire, pour un diabétique, c'est plus intéressant de manger un sucre de coco qu'un sucre de canne. Mais c'est un sucre aussi qui peut nous apporter des vitamines. Et ce n'est pas que de calories vides. Je vois de plus en plus de gens qui ont des promotions. On achète 12 paquets d'une chose qui n'est pas bien, et à un très bon prix. Donc les gens, ils veulent faire les bonnes affaires dans les grandes surfaces et ils achètent énormément de produits industrialisés. Ils nourrissent les enfants avec ça. C'est ça la grande préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'obésité de l'adulte qui est en épidémie. L'obésité de l'enfant commence à être très importante aussi. On voit de plus en plus d'enfants qui ont un excès de graisse. Et si on ne fait rien, ils vont devenir des adolescents obèses. On a aujourd'hui beaucoup d'adolescents qui sont déjà diabétiques de type 2. Aujourd'hui, manger des biscuits, manger tout ce qui est industriel, vraiment qui n'a pas de qualité nutritionnelle, c'est pas cher. Si on va dans une grande surface, on voit les gens remplir les caddies avec tout ce qui est pour enfants, par exemple des compotes, des cookies, des chips, tout ça c'est pas cher, des sodas c'est pas cher. Et ils disent « Ah, mais ça, les fruits sont chers ». Et encore, si c'est bio, c'est encore plus cher. Les légumes sont chers. Mais si on fait, au contraire, si on va vider un peu le caddie et enlever tous ces... Et en fait, des choses qu'on sait qu'après, on va dépenser de l'argent dans la santé pour guérir toutes ces maladies qui viennent avec ce type de l'alimentation industrielle. Et on va enlever ça et on va remplir avec des fruits et des légumes qui vont vraiment alimenter notre corps et nos cellules. C'est complètement différent. Marie-France. Il y avait un plan de potiron que la ville avait planté au milieu d'un rond-point. Et le potiron là, il était bien mûr, il était beau, il était tout ce qu'on voulait et nous on avait faim. Les gamins étaient encore jeunes, ça doit être en 95-96. Ah, il était énorme, mais il était planté au milieu d'un rond-point. Et ben on a ramassé le potiron avec ma copine. Et on revenait avec notre potiron, on a fait un bout de chemin avec le potiron dans les bras. Et on se disait, pourvu qu'on croise pas les flics, parce qu'on se disait, on se fait prendre avec le potiron dans les mains, on est mal barré. Bon, on n'a pas croisé les flics. La moitié du bloc a eu du potiron, a mangé de la soupe au potiron et de la tarte au potiron. Voilà. Après, on a mangé. C'est tout. Moi, j'ai toujours au travers de la gorge mes artichauts. Et, C'est quoi ça? Une fois, j'allais au Resto du Cœur à l'époque. Et c'était tout au début des Restos du Cœur et il y a eu une grève SNCF. Et les Restos du Cœur, la seule chose qu'ils nous donnaient, c'était des patates et du fromage. Il gelait à moins 17 l'année-là. Et la gosse, elle était toute petite, elle avait 2 ans, Oriane. Et donc j'allais, je la mettais dans mon caddie, à roulette, pour aller jusqu'au resto. Puis quand on revenait du resto, elle marchait. Hein. On était bien à 2 km, 3 km de là où ils distribuaient, hein, quand même à pied. Et une fois, on passe devant un supermarché, il y avait une cagette avec 3 beaux artichauts. Puis j'étais avec un monsieur SDF qui vivait en meublé, comme vous disiez. Et puis on se faisait des échanges. Par exemple, je lui donnais des sardines, je lui donnais des trucs comme ça, puis lui me donnait les boîtes qui chauffaient, parce qu'il ne pouvait pas faire chauffer dans sa chambre. Donc on faisait des échanges de bons procédés. Et puis je regarde des artichauts, puis un peu plus loin, il me dit « Qu'est-ce que t'as ?» J'ai dit « Écoute, t'as pas vu les beaux artichauts là dans la cagette devant le magasin ?» Il me dit « Non. » Il me dit « Viens, on fait demi-tour. » Et on est arrivé, le monsieur nous a vu arriver pour prendre les 3 artichauts, il les a arrosés d'eau de Javel devant nous. Et je crois que le jour-là, je l'aurais bien tué, le mec. Parce qu'après tout, il les mettait à la poubelle, ces artichauts. Qu'est-ce que ça lui faisait qu'il les prenne? Mais voilà. Ah, si. Et tu sais qu'où elle dit, il y a charme, et il y a une poubelle réservée. Il jette, mais dans une poubelle dédiée qui est nettoyée tous les jours. Et ils savent que les gens vont se servir là. Les gens, ils savent bien que la poubelle là, celle-là, c'est la poubelle dédiée. Moi, je trouve qu'au moins, c'est pas gâché. Comme ils gâchent partout. Ouais. Mais c'est comme ils disent, le gaspillage. Toutes les grandes surfaces doivent redonner aux banques alimentaires. Il y a 5 millions de personnes en précarité. Il y a 3 millions qui vont Resto du Cœur, enfin tout ce qui est caritatif. Et 2 autres millions alors. Ils n'ont rien. Le Resto du Cœur, on y va vraiment. C'est quand il y a les enfants. Quand on est tout seul, on n'y va pas. Donc les 2 millions, c'est un peu ça. Et encore, les personnes sans papier, il n'y a que les Restos du Cœur qui les acceptent. Le Secours catholique ne les accepte pas. Donc ça veut dire qu'il y a 2 millions... de personnes qui ne bénéficient pas de l'excédent, enfin, ou jeter, ou, enfin, plutôt que de mettre à la poubelle, on donne aux pauvres. De toute façon, l'alimentation, chez les personnes en précarité, c'est le nerf de la guerre. Tout ce qui est Resto du Cœur, Croix-Rouge, Secours catholique, je dis pas de mal d'elle, parce qu'on en aura toujours besoin. Mais c'est que du don. Et vous prenez ce qu'on vous donne et soyez contents. On ne cherche pas, par exemple, une dame arabe, on va lui donner une côte de porc et on va lui dire, quand on a faim, on mange ce qu'on vous donne. Ou de la choucroute. Vous voyez ? Vous avez vu ça ? Moi, je l'ai vu. Le Resto du Cœur, on y va quand on a les gamins avec nous. Parce que c'est ça pour eux. Toujours. Déjà, nous, quand on va s'inscrire, on y va à reculons. Parce que c'est tendre la main. Et tendre la main, on n'aime pas. On aime bien, même si on ne paye pas grand-chose, l'acheter, dire, quand on met quelque chose sur la table, on l'a payé. Et on l'apprécie 2 fois plus. Même si c'est, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de tomates, on l'apprécie beaucoup plus que si on nous l'avait donné. Lucette Lamé, adjointe maire de Toul, affaires sociales. Et alors, toutes les deux, bonjour, sont à la Croix-Rouge. Ah oui, d'accord. Présidente et vice-présidente de la Croix-Rouge. Ah, c'est la compétition ou comment? Non, on est ensemble. Alors là, pas du tout. On s'est toujours très bien entendu. Oui, est-ce qu'on travaille ensemble? On travaille. Et l'association s'appelle Grain de sel. Grain de sel. Mais à propos du sucre, moi je peux dire qu'à la distribution alimentaire, qui est approvisionnée par les banques alimentaires, bon, c'est effrayant tout ce qu'ils donnent comme produits sucrés. C'est effrayant. On a tous les restes de Pâques, de Noël, même actuellement. Hein. Et c'est pas des produits de première nécessité. Au contraire, ça contribue à une mauvaise alimentation. C'est un vrai questionnement, ça, pour le coup. Oui. Pour nous, c'est une problématique qu'il faudrait revoir. Oui, quand on voit les chips et compagnie, quoi. Enfin, c'est ça. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail aussi par rapport à ça, quoi. Tout ce qui est gâteau apéritif, c'est ça aussi, c'est... C'est effrayant tout ce qui est donné, des chips, de toutes sortes. Bon, c'est sûr, on leur donne, mais bon. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de surproduction de ce type de produits industriels. Et au final, ça finit dans l'assiette des plus pauvres qui ne peuvent pas se les payer. Enfin, oui. Mais je pense que les banques alimentaires réfléchissent aussi à ces questions-là. Oui. Hein, parce que c'est vraiment pour eux aussi une problématique et ils essayent aussi d'y répondre. Puisque les banques alimentaires mettent en place aussi donc des ateliers nutrition. Enfin, il y a tout un travail autour de ces questions-là. Mais je trouve que c'est assez... Enfin, ce qui nous paraît toujours assez... C'est étonnant, c'est de voir entre ce qu'on doit promouvoir en termes de nutrition et à ce qu'on donne. On voit le décalage incroyable. On dit manger des fruits et des légumes et voilà des chips et du chocolat. Le problème, c'est que les fruits et légumes, les personnes ne les veulent pas vraiment. À l'épicerie sociale, on s'efforce d'acheter. Ah, y a une partie qui est fournie par la banque alimentaire et le reste, c'est la Croix-Rouge qui l'achète et qui leur revend à moitié prix. Mais on achète des fruits, des légumes, et on en est au point où on leur demande lesquels acheter pour être sûr qu'ils vont les prendre. Et là, pour le coup, ça va, quoi. Oui. Je trouve qu'on est sur la bonne voie, hein, franchement. Oui, Là, il y a vraiment un travail de fond. Et ça, c'est la co-formation avec ATD Carmonde quand on a fait ce travail-là. Oui. Et elle a vraiment réfléchi. La bénévole était présente à faire la formation. Elle était présente et elle s'est dit, mais comment je peux faire et comment je peux écouter et voilà. Céline Parent, vous dirigez en fait le Centre communal d'action sociale de Toul, CCAS, qui est un établissement public qui émane de la mairie. Avec des élus municipaux et également des représentants d'associations au conseil d'administration et le maire est président de droit. Voilà. Et donc nous, on est dans ce projet parce qu'on travaille sur l'aide alimentaire, notamment avec les publics qui sont dans des difficultés passagères et voilà, ils n'arrivent pas à remplir le frigo parce qu'il y a une grosse facture, parce qu'il y a un imprévu, surtout aussi quand les droits sont bloqués. L'allocation chômage, le RSA est bloqué pour X raisons, des problèmes de papier, pas renvoyé. On peut parler de la dématérialisation aussi, mais voilà, on est un peu dans ce cadre-là. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent remplir de nombreux papiers pour faire valoir leur droit à l'alimentation. On peut parler d'un parcours du combattant, en fait, des personnes qui doivent apporter la preuve qu'ils ont du mal de joindre les deux bouts. Et notre objectif, c'est de faire avec les personnes pour que ce soit peut-être différent. Vous essayez de fluidifier ce parcours parce que si par exemple une personne a faim, finalement elle doit d'abord prouver qu'elle est endettée, aller faire des photocopies, faire des photocopies, monter des dossiers comme ça. Et à chaque fois, il va faire les mêmes dossiers au CCAS, à la Croix-Rouge, etc. Donc ça interroge assez fortement parce que l'alimentation, on peut se dire que c'est un besoin fondamental. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vient interroger, nous, au sein de Grain de Sel et plus généralement dans la démarche de nourrir lorsqu'on est pauvre. Voilà. Heureusement qu'on tombe sur des gens humains qui savent ce que c'est la faim. Mais c'est vrai que le CCAS, quand on est obligé de justifier même les 1 euro... qu'on a acheté dans un magasin, il y a un anniversaire. Les gamins, ils sont comme les autres. Hein. Les anniversaires, faut les fêter aussi. Donc, on recalcule et tout. Si on a eu le malheur de... Ils voient le ticket de caisse, si on a payé avec la carte bleue un jouet, mon Dieu. Vous savez, le CCAS, c'est pas facile non plus. Hein. Donc, le CCAS, on le recule le plus possible. L'épicerie sociale, c'est génial, parce qu'on paye et on prend ce qu'on veut. Les sous du cœur, on a ce qu'on nous donne. Et il faut voir des fois. Hein. Oui, c'est de la différence, l'épicerie sociale et tout ce qui est aide d'urgence. On va aller faire des courses, c'est ça? Comment ça se passe alors? Moi, la dernière fois que j'ai essayé à manger, ça est revenu à 2 euros. Oui, mais il y avait de la récup. Et il y avait de la récup. Et là aussi, on va déjà piquer les tomates dans ton jardin. On a de la courgette. Voilà. Après, il y a les mirabelles qu'on avait achetées en achat groupé. Qu'est-ce que tu comptes faire comme repas? Alors, moi, j'ai pensé tomates, concombre. Après, je vais vous faire une omelette aux pommes de terre jambon gruyère. Pommes de terre, t'as vu? C'est 2,50 les 2 kilos et demi. Mais on va voir. 10, tu vas voir, il t'en faut. Oui, mais alors, en principe, au champ, si tu prends par 5 kilos, c'est moins cher que pour prendre par 2 kilos et demi. Inch'Allah. Voilà. Parce que les patates, ils ont pris un après, petit... après, on verra... Attends, ce matin, j'ai vu les patates bio à 4,50. Hein. Bio. Bio. 4,50 nous, chez... Nous, dès qu'on voit bio, on fuit. Hein. Comment ouais, tu vas dans les magasins. Madame Chattard. Ah, ça suffit. Hein. Ah, t'as été dans un magasin Chattard. Oui, j'étais dans un magasin Chattard. Et l'œuf, l'œuf 0,45, l'œuf. Un œuf. Ah, l'autre, il a rentabilisé sa poule au bout de 10 heures. Et les tomates, 5,40 €. Tu vas au champ dans les 1 euro. Dans les 1 euro, c'est bon. T'en as, tu crois? On va voir. Mais ça, j'ai vu ça ce matin. Et en dessert, parce que moi, pas de repas sur le dessert. Tarte aux mirabelles. Tarte à la mirabelle. Mmh. On va passer à la ferme chercher des œufs, pour que vous goûtiez les bons œufs de la ferme. Alors, le prochain bus est à 16h34. On se retrouve en bas. Ah, moi avec mes joues. Alors, Micheline et Viviane, elles ne descendent pas avec nous à pied là ? Ah, mais non, elles ne peuvent pas descendre à pied parce qu'elles ont mal une au genou, l'autre à l'autre genou. Elles ne peuvent pas marcher. Bon, quand l'ascenseur est en panne, ça va. Enchanté. Voilà, de la ferme L'Oasis Urbaine. On vient chercher des légumes, il y a les poules, on va chercher des œufs. Bah, les poules, c'est surtout pour le lien avec l'animal et la nature qui est intéressant pour des habitants du quartier qui ne sont pas du tout amenés à ça en temps normal. C'est-à-dire que là, c'est la ferme qui vient au quartier. Et puis après, oui, on a aussi une production maraîchère qu'on vend et qu'on donne. On a beaucoup donné la première année pour le lien social. On a aussi du miel. En légumes, vous avez quoi alors? Tout. Des courges, des courgettes, des épinards, des salades, des tomates. On a mis des tomates. Combien t'as récupéré? Là, on est à presque un peu plus de 3 quintaux de tomates. Ouais. Après, on a une petite parcelle, c'est que 1000 mètres carrés. Donc tu voulais des œufs? Ouais, je veux bien un peu d'œufs. Ah, ouais, on a 12. Attends, mais ça suffit, on n'achète pas les œufs. Ah, bah, non, Martin, il va laisser. C'est nos jars de garde. Comme en 40. Il n'y avait plus de chien pour garder les fermes. Il y a la daronne, Matignon. Le coq Matignon, c'est lui qui commande là-haut. Hein. S'il n'est pas d'accord, voilà, même quand nous on rentre, Matignon. Bon, moi maintenant, parce qu'il nous connaît, mais au départ. Il attendait qu'on tourne le dos et il nous sautait dessus. Ouais, non, c'est pas bon pour aujourd'hui. Vous avez trouvé 3 œufs. Là, notre chère Viviane, notre chère baronne du quartier, j'ai envie de dire, nous avait demandé 24. Et ben, j'essaie d'en avoir 24. Malheureusement, on n'aura pas. C'est la baronne, là-bas. Ouais. Ah, elle nous avait pas dit ça. Pour moi, c'est un peu les anciens qu'on respecte, qui ont une connaissance du quartier, qui ont des histoires à raconter. Moi étant... En habitant de Nancy Centre et qui s'est lié d'affection via la ferme au quartier, via ces personnes, c'est un peu des phares. Elles ont un savoir. Et le savoir, encore une fois, ça se décuple. C'est pas comme 1 euro qu'on échange contre du pain. Quand elles nous disent une histoire, elle a son histoire et moi je l'ai en moi, donc ça me permet d'avoir des repères dans la ville. C'est ça, c'est important. Et quel âge vous avez eu ? Moi j'ai 24 ans. Et votre nom, c'est comment ? C'est Martin. Martin. Du coup, j'ai été responsable du jardin. J'ai fait un BTS production horticole à Revue-le-Chêne. Alex m'a appelé pour essayer de faire un service civique ici. Alexandre Lamarque, est-ce que vous êtes rentable ou c'est pas du tout le but? Alors, le projet est rentable, mais on est dans l'attente d'un agrandissement qui était d'ailleurs une des conditions sine qua non à la pérennisation du projet. Mais sur une parcelle de 1000 m², on n'est pas en mesure de développer suffisamment de chiffres. Alors, on est en train de travailler sur des plans d'assolement conjointement avec la ferme du Bec-et-Loin et Sacha Guégan qui est une des personnes avec qui je travaille et qui a fait une recherche à AgroParisTech justement, et l'INRA, et qui a prouvé que sur 1000 m² on pouvait produire autant que sur 1 hectare et en plus en sortant un SMIC. Mais on a un problème de destination de cette unique parcelle de 1000 m². Est-ce qu'on s'en sert d'outils pédagogiques? Est-ce qu'on s'en sert d'outils de production pour ramener une pérennité financière? Est-ce qu'on s'en sert d'outils de recherche? Actuellement, c'est tout à la fois. Mais ça a forcément des limites. Et alors Alexandre Lamarche, je suis curieuse de connaître votre cursus. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un paysan urbain? Le seul lien, Amite, que j'ai avec la terre auparavant, c'était des grands-parents dans les Landes qui étaient agriculteurs. Ils faisaient de l'asperge et de l'armagnac. J'ai travaillé dans différents secteurs. J'ai fait de la grande distribution, j'ai fait de l'automobile, j'ai fait de la restauration. Mais j'avais pas de sens là-dedans, pas de noblesse. Et donc j'en avais marre. Nous, là-bas, c'était de faire une oasis urbaine où on repense un peu le paradigme. L'accès comment on fait pour terre, fonctionner. Voilà. Ouais, aussi. Les fermes urbaines, il y a toute une dynamique territoriale, il y a toute une dynamique agroalimentaire, il y a toute une dynamique agricole, parce que les terrains redeviennent des terrains agricoles, et puis il y a toute la dynamique politique de la ville. Donc c'est vraiment à la croisée de plusieurs domaines. D'ailleurs, on a fondé, enfin monté une chaîne, le réseau Agriculture Urbaine et Précarité, qui réunit des bailleurs sociaux, des constructeurs, des associations caritatives, des associations de développement de territoire. Et puis, c'est AgroParisTech, et puis en lien avec ATD Carmonde qui ont démarré ça. Et puis, l'INRA. Et sur toute la France, il y en a de nombreuses. Et c'est vraiment une dynamique qui est passionnante, qui est intéressante et qui va nous amener, je pense, à un changement de paradigme sur l'accès aux produits dans les quartiers. On a remarqué que dans les quartiers, par exemple, c'est dans le centre de la France, si on a des jardins qui sont des jardins de bas d'immeubles, les bas d'immeubles sont parfaitement propres. Et le fait de redonner la terre nourricière aux personnes fait que tout naturellement les personnes se les réapproprient et du coup les respectent. Ça change totalement la physionomie d'un quartier. Vous savez, dans le temps, dans les villages, quand on était pauvre, on avait un cochon et on avait sans doute une chèvre ou une vache pour le lait. Eh bien, on les faisait pâturer sur les terrains communaux. Et les terrains communaux, c'était fait pour les gens qui n'avaient pas accès au foncier. Aujourd'hui, les terrains communaux, c'est fait pour planter des arbustes d'ornement ou de... Eh bien, redonnons un peu de terre à ceux qui en ont besoin au lieu de dire qu'ils mangent mal, quoi. On a un partenariat avec un horticulteur. Plutôt que de jeter les plants, on les récupère. Et après, on les redistribue pour des personnes qui sont dans la précarité et qui peuvent cultiver un petit bout de jardin. Cette année, on a dû récupérer quelque chose comme 1000 plants. Il nous a même donné des fleurs pour que les gens puissent embellir un petit peu leur devant de balcon ou même à l'intérieur, quoi. Et alors là, on est à la Sapinière, devant le magasin Auchan. Donc on va aller faire nos courses. Et on va vous expliquer comment on fait nos courses, parce qu'on a un budget à suivre tous les mois qui est entre 57 euros et 100 euros, alors qui comprend la nourriture, les produits d'hygiène et l'habillement. On sait déjà à l'avance ce qu'on va acheter et ce qu'on va prendre. On ne fait pas d'écart. Alors là, vous voyez, on ne passe même pas là. C'est pas nourrissant, ce truc-là. Je ne peux pas lire les ingrédients parce qu'à l'heure actuelle, j'ai la cataracte. L'œil droit, je ne vois plus rien. Et l'œil gauche, je vois très peu. Farine de blé, eau, levure boulangère, sel. Fromage, purée de tomate, viande de porc, eau, gras de porc, olive noire avec noyau, huile d'olive, farine de blé, amidon de maïs, lactose, dextrose, sirop de glucose, ferment colorant, extrait de paprika, stabilisant E451, antioxydant E316, conservateur E250, sel, arôme, piment, plante aromatique. Eh ben, je vais te dire, je savais pas qu'il y avait tout ça. Je ne vais plus en acheter, moi. On fait nous-mêmes nos pizzas. Pour le prix, elles sont beaucoup plus grandes. Quand on fait une pizza, on fait une plateau du four. Et Micheline, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Franchement, je ne sais pas. Je sais que c'est le Nutri-Score, c'est la qualité en fait du produit. Mais dire ce que veut dire A, B, C, D, E, je ne sais pas du tout. D, c'est pas bon, je crois. C'est ça? Hein, mais il vaut mieux être dans le vert que dans l'orange ou le rouge. Les produits qui ont un label Nutri-Score, c'est des produits industrialisés. Là, on fait que regarder. Dans les rayons où il y a les fruits et les légumes, il n'y a pas des questions à se poser. Si on est en train d'acheter la nature, on est sûr qu'on est en train de bien faire pour notre santé. Et encore, il peut y avoir des lobbies pour certains produits. Moi, je trouve que la population doit être mieux informée et savoir lire les ingrédients. On prend un avocat, par exemple. L'avocat, il a beaucoup de graisse. S'il était étiqueté par un Nutri-Score, est-ce qu'il était bien étiqueté? Est-ce qu'il était A? C'est ça ma question. Si on va juste voir le niveau des graisses, il est très élevé, mais c'est des bonnes graisses. C'est des graisses qui sont anti-inflammatoires, c'est des graisses qui vont nous faire maigrir, qui vont nourrir les cellules. Et je ne sais pas, juste parce qu'il y a beaucoup de graisses, est-ce qu'il allait avoir une mauvaise note? Mais c'est ce type de pensée que j'ai quand je vois ce type de score. Bien sûr, c'est mieux d'avoir ces scores que de ne rien avoir. Mais l'idéal, ça serait vraiment pouvoir éduquer la population à savoir lire les ingrédients. Déjà une chose que je peux vous dire, quand on lit les ingrédients, les premiers ingrédients, c'est ça qui a plus dans les produits. Ça veut dire si le produit commence avec sucre, même avant la farine, tout ça, ça veut dire qu'il a plus de sucre que de farine. Ça, c'est les légumes à 1 euro. Moi, il y a encore un peu de tomates là-bas du jardin. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Avec les tomates du jardin, et puis tu peux, oui, on prend les 4 concombres. Raison. Voilà. Ça okay. Fait 2 euros, ça fait 3 euros. 3 euros l'entrée. Alors, les pommes de terre, ça peut 99 être centimes, 2,5 kg. Bah, alors, deux paquets. Et ça, c'est 40 centimes d'euros le kilo. Ouais, je te l'avais dit. Des fois, ils sont là-bas. Elles sont trop chères. 7 euros les 10 kilos, ça fait 70 centimes le kilo. C'est même les promotions quand on voit les 3 boîtes machin. Des fois, quand on va voir la boîte seule en rayon, elle est moins chère. Là, on n'a pris que 2 échalotes parce que à 5 euros le kilo, des fois, on préfère pas acheter. Des meringues et puis des oursons en guimauve, de la guimauve et du sucre en poudre. Mais voilà ce qu'ils vendent. C'est comme ça. On a un repas pour 10 personnes. Donc on a 2 sachets de pommes de terre, 1 litre d'huile, un peu de crème fraîche, un fromage de chèvre, un camembert, 2 sachets de gruyère, un paquet de 16 tranches de jambon, 2 lots de concombre, des tomates et des échalotes. Plus encore 2 pâtes feuilletées pour le dessert. Nous on fixe 2 euros pour le repas, 2,50 euros maximum. La carte du magasin? Ah, on est à 20,40. On a dépassé. T'as 50 euros à cagnoter sur Coca-Cola, Fleury Michon et Cosmia. Je pense que c'est Cosmia. T'as 1 euro sur le Coca-Cola. Mais là, il faut acheter 3 litres. Ok. C'est pour ça qu'on fait ça, les poubelles. Benoît Guérard, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je suis le directeur du pays Terre de Lorraine. Ce qu'on sait, c'est que les premières choses qui ont été expérimentées, par exemple l'accès aux produits locaux, ça partait vraiment d'une idée de bon sens, que les producteurs sont tout autour. Leurs produits ne sont pas si chers quand on sait créer le contact avec eux, et ils sont aussi très sensibles à ces sujets. Finalement, là, on a vu que dans les expériences qu'on a menées, oui, il y avait du répondant, il y avait des familles qui voulaient vraiment accéder à ces normes un peu actuelles de consommation qui évoluent. Est-ce que vous avez eu déjà des petits frémissements ou des réactions de la part des hypermarchés? On a eu assez peu de relations pour l'instant avec tout ce secteur, mais c'est à faire. Parce qu'à un moment donné, vous les contournez. Oui, alors tout dépendra des enjeux vraiment pour eux économiques. Pour l'instant, ils ne doivent pas être très importants, donc ça ne les inquiète pas, je pense. Ce qu'on sait, c'est que les grandes surfaces, les GMS, sont maintenant tenues de réemployer et donner leurs excédents alimentaires. Donc il y a des choses qui ont évolué dans la loi, qui vont encore évoluer, qui les obligent à faire. Cette manière de faire, elle peut très bien devenir là encore des grands circuits, des grands tuyaux tout à fait impersonnels qui descendent jusqu'aux personnes sans qu'on puisse interagir. Si on crée une relation directe avec le gérant du supermarché demain, on pourra trouver des coopérations gagnantes-gagnantes, positives. Pourquoi ici, sur Terre de Lorraine, on dit oui à une proposition comme celle d'ATD Carmonde? Ça peut paraître un peu à contre-courant de ce qui peut se faire. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une tradition humaniste sur le territoire qui vient de loin. Les mouvements de la jeunesse ouvrière chrétienne, le MRJC, les mouvements de jeunesse chrétienne qui sont très implantés sur le territoire, les coopérations agricoles et ouvrières sur Moselle et Madon. Ça a imprégné, je crois, les générations aussi d'élus locaux ici. On n'a pas d'argent à une nourriture qui est une nourriture souvent transformés, de bas de gamme, pas chers. Et... Alors que là, le projet et la demande et la recherche qu'on fait, c'est d'accéder à une nourriture qui soit digne, c'est-à-dire qui permette de relever la tête, mais aussi qu'il soit durable, c'est-à-dire que ce soit pas de la saleté, c'est-à-dire que ce soit des légumes de bonne qualité, qu'on aille à la ferme chercher des œufs frais, qu'on ait accès à des produits qui sont pas transformés, parce qu'on fait à manger, parce qu'on cuisine, et ce qui est important, voilà. Donc dans la démarche, il n'y a pas qu'une question de justice alimentaire dans l'accès aux produits, mais il y a aussi une question de qualité. Et quand on dit une alimentation digne et durable, ça veut dire une alimentation digne qui permet de structurer l'individu, lui redonner de la citoyenneté, lui redonner de l'humanité, lui redonner sa responsabilité dans sa famille et dans la société, mais aussi une qualité de produit à laquelle on n'était pas forcément habitué parce qu'on nous avait enfermés dans des produits pas chers, bas de gamme, transformés. Par ailleurs, on parle aussi de précarité alimentaire pour tous aujourd'hui, dans le contexte d'une société un peu à bout de souffle, d'un système de production à bout de souffle. Et on voudrait montrer que cette question de la recherche d'une alimentation durable, digne et de qualité pour tous, maintenant, aujourd'hui, elle doit dépasser les frontières sociales et culturelles. Qu'elle concerne plus seulement une question sociale qui vise à favoriser l'accès des pauvres à une nourriture de qualité au nom de l'égalité des droits, mais que c'est aussi une question politique qui vise à favoriser l'accès des hommes à une alimentation durable, de qualité et respectueuse de l'environnement. Voilà. Maintenant, on va vers des pommes de terre qui sont des pommes de terre de bonne qualité, vers des légumes qui sont des légumes qu'on peut cuisiner et qu'on peut trouver dans nos potagers au bas des immeubles. Voilà, c'est toute cette dynamique pour avoir accès à des produits qui sont des produits bio. Et puis, ça veut dire aussi qu'ensemble, on va pouvoir retrouver une dynamique sociale, une dynamique avec les agriculteurs, parce qu'on a découvert et on est heureux de nouer des liens avec des agriculteurs sur le territoire, et des liens très forts. Donc, ça permet aussi de créer des liens dans notre société entre les uns et les autres. Il est belle en cuisse, là. Il n'y a pas des serviettes en bas ? Alors, bon appétit à tout le monde et j'espère que le repas va vous plaire. Un repas simple, mais nourrissant. Tu joues au patriarche, là, ou quoi ? Ouais. Alors, la Viviane, on a un peu de tout dans ce repas. Vous avez les féculents, des légumes, de la viande, du fromage, des œufs et des crudités également, puisque vous avez des tomates et vous avez des concombres. Et des fruits ? Et vous allez avoir le dessert qui viendra clôturer ce repas. Quand on a compris qu'en fait la question de la maladie, c'était une question de virus qui se transmettait, et qu'on était dans une société d'interdépendance organique, et qu'en fait tout était lié, que si les pauvres étaient malades, les riches aussi pouvaient l'être, à ce moment-là, on a pensé à la question de l'accès aux soins pour tous. Et oui, c'est contagieux. Voilà. Et donc, l'action d'alimentation, c'est pareil aujourd'hui. C'est plus seulement une question pour les pauvres, c'est une question pour tout le monde. On pourrait aller pour chercher les gens dans la rue, parce qu'on en a largement plus que ce qu'il faut. J'ouvre la tête, moi, et je crie, disais qu'il n'y a pas. On est foutus, on mange trop. On est foutus, on mange trop. C'était des alternatives pour manger demain avec Frédéric Trottmann, Viviane Tirlicien, Micheline Adebati, Céline Parent, Lydie Lepiouf, Joseph Sokarski, Delphine Mignon, Lucette Lalvé, Benoît Guérard, Huguette Boissonnard, Marie-France Zimmer, Olivier Chapelle, Alexandre Lamarque et Martin de la ferme urbaine du Plateau à Nancy, Milena Montero Sepulveda, nutritionniste. Mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Lydia Benitzrak. Pâtissier, chocolatier, confiseur, diabétique ou bec salé, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à la ferme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous explorerons notre relation à l'automobile. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à l'année prochaine, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.